Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG, votre rendez-vous quotidien avec l'actu locale et les événements culturels de votre territoire. Aujourd'hui, notre émission sera dédiée à l'un des événements les plus attendus de l'année, le Festival de Jazz en Touraine, qui se déroulera du 13 au 22 septembre prochain à Montlouis-sur-Loire, mais aussi dans bon nombre de communes alentours. Que vous soyez un fan inconditionnel de jazz ou un simple curieux, vous allez sans nul doute être comblé par cette 38e programmation rassemblant des grands noms du jazz mais aussi des talents émergents. Nous étions présents ce mercredi 5 juin au Petit Faucheux à Tours pour découvrir l'annonce de la programmation de ce 38e festival de jazz en Touraine aux côtés des organisateurs et partenaires. Claude Garcera, successeur de Jean-Jacques Filleul à la présidence de l'association, a donc ouvert cette séance de présentation en commençant par rendre hommage à Boris Kurtz, notre ami et programmateur du festival disparu en 2023. Je veux remercier avant toute chose l'équipe du Petit Faucheux pour son accueil dans leurs locaux emblématiques qui sonnent bon le jazz. Également en introduction, rendre hommage devant vous à notre ami Boris Kurtz, que vous connaissiez bien la plupart d'entre vous et qui nous a quittés 10 jours après la fin de la 37e édition de Jazz en Touraine, édition qu'il avait programmée. J'ai eu le plaisir et l'honneur de programmer cette 38e édition en très grande proximité avec mon ami Jean-Jacques Filleul. Jean-Jacques m'avait proposé l'an passé cette fonction de président de l'association que j'assure depuis quelques mois maintenant. Merci pour ta confiance, cher Jean-Jacques, et bien sûr, merci au conseil d'administration de l'association. Pour Jean-Jacques et Catherine, le travail de programmation a été très particulier cette année. La disparition de Boris nous a contraints à rechercher un nouveau directeur artistique, Arnaud Bell, qui pour la première fois depuis 37 ans n'habitait pas ou ne travaillait pas dans la commune de Montlouis. S'il apprend à découvrir, peut-être s'y installera-t-il. On me posera la question toute l'année. Je rappelle, il y a 7 concerts in à l'Espace Nigeria, 9 concerts in au Magic Mirror, 19 concerts sur Montlouis et 18 dans les communes associées. Je souhaitais dire quelques mots sur les à côté du festival. Dès samedi 7 septembre, le traditionnel concert de la cuvée spéciale se tiendra avec Maisy à la Maison Audacieuse à 16h. Vendredi 13, l'ouverture du off sur l'esplanade Noé-Sculaz se fera avec un groupe local, à Cirema Quartet, avec la complicité de Jazz à Tours et du Petit Faucheux. Samedi 14 septembre, fruit d'un partenariat là encore avec l'association des commerçants de Montlouis, on fait venir French Carter qui se produira au centre commercial des Coteaux, donc à samedi à 10h15. Samedi toujours à 10h, Marion Rampal animera une masterclass à l'intention des élèves de l'école de musique intercommunale avant son concert à 19h. Dimanche 15, le traditionnel Paul-Louis Courier's Band se produira sur la scène du village du festival à 13h15. Vendredi 20 septembre, nous accueillerons dans le off un groupe lituanien, Cinamono, qui se produira également le lendemain à La Croix en Touraine, ceci dans le cadre d'un jumelage. Samedi 21 septembre, une autre nouveauté, Radioactive, a la gentillesse d'organiser un enregistrement public d'une émission autour de l'écoute de vinyle, issue d'une donation qui a été faite à la ville de Montlouis et déposée depuis à la médiathèque. Ce sont François Néro et Jonas Mel qui animeront ce temps d'écoute. Merci à eux et merci à toi, chère Marlène et Catherine, et toute l'équipe de Radioactive pour nous permettre cette organisation à la médiathèque. Et à la médiathèque toujours, nous présenterons les presque 40 affiches de Jazz en Touraine qui seront exposées pendant une dizaine de jours à la médiathèque de Montlouis. Dimanche 22 septembre, je termine avec cette particularité, une première encore avec un concert de l'école de musique intercommunale à 13h15 sur la scène du village. Je tenais à vous remercier à tous encore une fois de vos participations. Arnaud Bell, nouveau programmateur du Festival de Jazz en Touraine, s'est également exprimé à notre micro pour nous faire part de sa satisfaction de rejoindre cette belle équipe. Moi je suis ravi et puis je suis très honoré de suivre le chemin dressé par mes prédécesseurs. Donc évidemment très content. C'est un beau festival, vous savez, qui est bien reconnu et qui a un vrai ancrage local. Donc je suis content de suivre tout ça. Alors, on m'a dit dans l'oreillette que vous étiez quelqu'un qui était très connaisseur en matière de jazz, puisque vous programmez d'autres événements et pas qu'en Touraine. C'est vraiment votre domaine ? Vous appréciez aussi d'autres styles musicaux ? Alors, le jazz est vraiment mon domaine, mais j'apprécie d'autres styles musicaux. En fait, c'est vrai que je programme pas mal de festivals de jazz, mais aussi de musique actuelle, mais toujours avec beaucoup de musiciens. Et j'essaie de faire un pont entre les différentes musiques, parce que pour moi, le jazz est à l'origine d'énormément de musique. Et il a des musiques cousines, se renouvelle parce qu'il y a d'autres musiques qui existent à côté de lui. Et ça se voit dans la programmation, je pense, cette année du festival Jazz en Touraine. Et puis, à côté de ça, il y a aussi les musiques actuelles qui avancent aussi à travers le jazz. Et d'ailleurs, au niveau national, la différence n'existe plus entre jazz et musique actuelle. On est sur la musique amplifiée de nos jours. Pour les auditeurs qui découvrent un petit peu ce boulot d'être programmateur, comment on s'y prend ? C'est-à-dire que vous rencontrez l'équipe du Festival de Jazz en Touraine, ils vous disent on a telle enveloppe, on a telle projection dans notre esprit de ce qu'on veut de notre festival, et vous, vous faites le boulot derrière, vous contactez les artistes, les agents ? Oui, alors ce qui est très important, c'est l'identité du festival, ce que l'équipe organisatrice veut développer ou ce qu'elle ne veut pas développer. Et ça, c'est très important de se mettre d'accord sur un projet culturel qui est finalement notre guide fil sur l'ensemble du développement du festival. Et après, effectivement, il y a des propositions, des opportunités, des non-opportunités. Enfin, il y a tout un travail pour essayer de faire en sorte que non seulement l'identité du festival soit respectée, mais qu'en plus, il y ait une surprise aussi pour le public, il y ait du renouvellement pour le public, parce qu'un festival ça perdure dans le temps, et heureusement, mais grâce aussi à la surprise qu'on peut amener au public. Là, la tâche était rude parce que 38 ans ce festival. 38 ans de festival, donc évidemment un bel historique, de beaux projets qui sont développés, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse remettre une programmation sur les années à venir qui aurait été une programmation des années précédentes. Donc voilà, un festival c'est toujours essayer de cogiter ensemble et de mettre en place des projets en communauté finalement. Et quand on parle du boulot d'un programmateur, on parle de surtout beaucoup de rencontres avec beaucoup de partenaires, d'essayer de se mettre d'accord, de comprendre un peu les envies de chacun et d'essayer d'aller dans le même sens tout en développant un projet qui est artistiquement de qualité et qui va vraiment, je reprends l'idée de surprise pour le public, mais il y a quelque chose dans le spectacle vivant qui est autre encore que la musique, qui est un engouement qui est créé par un spectacle. Donc il faut vraiment qu'on développe le lien avec le public, avec les partenaires, avec les commissions de programmation. Enfin, c'est un travail assez à 360 degrés. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs pour leur donner envie de venir découvrir ces artistes que vous avez choisis en collaboration, bien évidemment, avec toute l'équipe ? Quels seraient vos arguments ? Alors, ça dépendra déjà des concerts pour les arguments, mais en règle générale, je dirais au public d'être curieux, de pas toujours aller aux endroits où on l'attend, puisque quelquefois, des belles surprises sont au détour d'un chemin et qu'effectivement, on a tout fait en sorte pour qu'il puisse être surpris et content de la découverte qu'il va faire chaque soir. Et rappelons qu'il y en a pour tous les budgets, puisqu'il n'y a pas que des concerts à l'Espace Ligeria ou au Magic Mirror, mais aussi dans les communes environnantes du Val d'Amboise notamment, et qui sont gratuits. Effectivement, il y a des concerts gratuits, il y a des concerts pas chers, il y a des concerts un peu plus chers, mais avec des artistes d'un peu plus grande renommée. Donc oui, il y en a pour tous les budgets, et puis il y en a pour toutes les envies. Après, il y a des offres aussi qui peuvent être faites par différents partenaires. Enfin, il faut qu'ils regardent sur la billetterie, mais il y a plusieurs possibilités d'aller au spectacle. Le spectacle n'est pas très cher en vrai. Merci beaucoup Arnaud Bell, on vous souhaite une belle édition pour cette première en tant que programmateur. Je vous remercie beaucoup. Alors cette programmation, quelle est-elle ? Vous êtes évidemment impatient de le savoir. Eh bien écoutons sans plus attendre notre expert François Nérault, bénévole investi sur Radioactive, mais aussi sur le Festival de Jazz en Touraine. François Nérault, François c'est notre référent jazz sur Radioactive, bien évidemment l'animateur culte de l'émission Osez Jazz à tous les étages. Ah bah il faut rendre à François ce qu'est à François. Ouais. Alors cette programmation 2024 du Festival de Jazz. Eh bien une programmation très éclectique et très intéressante, il y en aura un petit peu pour tous les goûts. C'est vrai que cette première soirée hommage à Boris Kurtz, ouais, qui me tient particulièrement à cœur, voit la reformation des Yeux Noirs, qui était un groupe absolument exceptionnel de musique tzigane, et en plus avec plein d'invités, Norig, qui est une chanteuse à la voix qui est littéralement sidérante, vraiment superbe, Sébastien Gignot qui viendra à la guitare aussi. Enfin bon, ça va être une très belle soirée. Le deuxième soir, on a Fada Freddy. Alors là, il faut absolument venir le voir parce que c'est non seulement musical, mais c'est très visuel aussi, hein, puisqu'il fait des percussions avec son corps. et qu'il est accompagné de 5 autres musiciens, enfin pas musiciens mais 5 autres chanteurs qui jouent aussi des percussions sur leur corps. Donc c'est vraiment un spectacle à voir autant qu'à entendre, et c'est vraiment très très impressionnant parce qu'ils font tout avec leur voix et avec leur corps, c'est vraiment magnifique. Il y aura aussi le mardi, Antonio Lizana. Là, c'est pour ceux qui aiment le flamenco jazz. C'est vraiment très, très beau. Bon, le flamenco, c'est une musique qui parle à ceux qui ont une âme qui sait vibrer comme ça, ce chant et tout. C'est vraiment très, très bien. Karen Gutturam, elle, rendra hommage à Nina Simone de manière tout à fait exceptionnelle, parce que son album qui était sorti l'année dernière est vraiment très, très bien. Roberto Fonseca, bon, on le connaît déjà largement, c'est vraiment de la très bonne descarga, ce qu'on appelle la descarga, musique cubaine qui donne envie de faire la fête. Voilà, et ça se terminera avec la merveilleuse Jeanne Adède qui viendra nous donner sa version jazz de ses tubes pop. On la connaît plus dans la pop, mais elle a commencé dans le jazz, et c'est vrai qu'elle a vraiment pour ça une culture jazz qui va ressortir. Donc elle aura un pianiste et 2 choristes pour l'accompagner, et elle va nous resservir ses tubes pop. Et puis les 2 jours précédents, on aura eu un de mes petites chouchoutes personnelles, c'est Moonlight Benjamin, chanteuse haïtienne de chants à la fois jazz, vaudou, soul, funk, etc. C'est une musique moite, c'est vraiment une musique des îles qui convoque un petit peu tous les esprits. Pierre Nobel, le programmateur de cette édition, parlait du charisme impressionnant de cet artiste. Oui, parce qu'en plus, elle a un look très... pas inquiétant, mais elle a ce côté un peu la Nouvelle-Orléans vaudou, Haïti vaudou, etc. Donc c'est prenant, c'est visuellement aussi très fort, et elle est dotée d'une voix absolument extraordinaire qui fait vibrer quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis Fatoumata Diawara aussi, qui viendra nous présenter son cocktail entre Mali, Londres, Paris, de musique afrobeat et un petit peu de jazz aussi. Donc voilà, avec plein de découvertes aussi sur le festival OFF, où il y aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes à venir voir, avec pas mal de teintes à la fois jazz, mais aussi soul, funk, même un petit peu rap parfois, des ouvertures à d'autres musiques, qui sont notamment, qui viendront faire chauffer un petit peu les planches. Voilà, et puis le Magic Mirror, où il y aura essentiellement, et même uniquement cette année, des femmes qui viendront avec beaucoup de chanteuses. Avec des formules brunch aussi les dimanches, et puis les 2 dimanches, et puis des chanteuses comme Marion Rampal, comme Etiquette, comme Jody Sternberg, qui viendront animer les soirées du Magic Mirror, qui sont toujours des petits moments de bonheur partagé, parce que c'est dans une salle plus petite, avec restauration, etc. Il y a une ambiance un petit peu plus club de jazz, qui est vraiment très très sympa. Voilà. Eh bien François, merci pour ce récap express, mais finement amené. On doit l'avouer, on imagine que dans Osez Jazz, on aura des petites notes de tout ça. Oui, on va y revenir largement, je pense, pendant ce mois de juin, et puis début juillet, il y aura déjà de quoi se mettre l'eau à la bouche. Voilà Osez Jazz, que l'on retrouve tous les lundis. Tous les lundis soirs, oui, à partir de 19h. Merci beaucoup. Merci à toi. Une belle édition en prévision pour cette 38e du Festival de Jazz en Touraine. Vous pouvez retrouver toute la programmation sur le site du festival, bien entendu, et sur les réseaux sociaux. On se quitte avec Moonlight Benjamin, que vous pourrez découvrir le 20 septembre au Magic Mirror. Bonne écoute et à demain.